Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le gouverneur de la province de Bitoka interdit la vente du maïs grillé ou cuit dans la rue. Les cas de vol de maïs dans les champs expliquent cette décision. Et l'ONG La Bénévolencia a clôturé le projet média pour les dialogues exécuté durant les quatre dernières années dans trois pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. La pandémie de la COVID-19 aura été un grand défi pour accomplir convenablement sa mission. Et le président de la République, très remonté contre les fraudeurs, avec moins d'un dixième des recettes dans les caisses de l'État sur les importations annuelles, Évariste Ndayishimiye en appelle à une synergie pour la lutte contre la fraude. Pendant ce temps, le ministre des Finances pointe du doigt certains agents de l'Office burundais des recettes. Voilà pour le sommaire. Le président de la République du Burundi appelle toutes les instances publiques à se coaliser pour lutter contre la fraude. Au cours d'une réunion avec les gouverneurs, les agents de l'ordre judiciaire et les corps de défense et de sécurité ce mardi en province Muramvya, le président Évariste Ndayishimiye a regretté que sur les importations annuelles de plus d'1,3 milliard de dollars, le trésor public n'a enregistré que 200 millions de dollars de recettes. Suivez le président de la République du Burundi, traduit en français par Placide Niyomwongere. Les statistiques montrent qu'annuellement, les commerçants importent les marchandises équivalent à 1,3 milliard de dollars. Mais au niveau des caisses de l'État, on n'a que 200 millions de dollars. Dis-moi, c'est dans quel pays où la fraude dépasse plus d'un milliard et vous dites toujours que le pays est pauvre? Imaginez, si les cambistes collectaient tout ce montant pour le placer dans les banques commerciales afin d'être exporté par la banque centrale pour avoir de l'argent transférable. Il y a encore à regretter. En Burundi, s'approprie toujours ses recettes en dollars, oubliant que les devises appartiennent toujours à l'État. Par simple analyse, il s'agit des gens qui se sont donné comme mission de vider les caisses de l'État pour que ce dernier ne soit pas capable de payer les fonctionnaires, ne construit pas les routes, n'importe pas d'engrais chimiques. Imaginez aller jusqu'à exporter l'engrais chimique sur lequel le gouvernement contribue à hauteur de 75%. Comment allons-nous bâtir notre économie? Savez-vous que la Banque mondiale et le FMI accusent le gouvernement d'être auteur de toute cette tricherie? Imaginez, en tant qu'autorité, être accusé de corruption, de fraude de devises. Comment allons-nous nous développer? La sécurité est donc garantie, les institutions sont en place, sans oublier les lois. Le pays allait se développer et un groupe de gens barre la route pour le développement. Aujourd'hui, nous sommes ici. En tant qu'institution publique, imposons-nous contre ce groupe. Engageons-nous comme nous le faisons en synergie contre la fraude. Faisons la synergie contre ces gens qui nous bloquent. Que tout le monde s'implique, à commencer par les services de renseignement. Suivez au quotidien la vie du pays. Mais ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de bonnes choses à dire. Le pays est sur les bonnes rails du développement. Le président de la République et les ministères en charge des finances, de la sécurité et de la justice comptent collaborer en vue de réprimer les fraudes perpétrées en complicité avec certains agents de l'Office burundais des recettes. Le ministre des Finances l'a dit ce mardi après une rencontre avec les agents de l'OBR, précisant que les commerçants et employés de l'OBR qui ne se conforment pas à la facturation électronique. Audace Niyonzima met donc en garde les agents de l'OBR, comme l'a récemment fait le président de la République. Il y a encore des employés qui se livrent à des actes de fraude. Donc ce sont ces employés-là qui sont complices de la fraude, que ce soit la fraude au niveau des douanes, la fraude au niveau des taxes internes, la fraude au niveau de la comptabilité, et que ces employés ternissent l'image de l'OBR. Nous les avons mis en garde, que l'État a pris beaucoup de mesures, que toutes les institutions de l'État, que ce soit le ministère de la Sécurité, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, l'administration décentralisée, que nous allons tous conjuguer les efforts pour lutter contre la fraude sous toutes ses formes. Dès lors qu'il y aura encore un employé de l'OBR qui sera attrapé, qui va être sanctionné de façon exemplaire. Et la politique de sensibilisation au paiement des impôts et taxes, c'est une action continue. Les mesures que nous avons prises pour améliorer la collecte des recettes d'une année à l'autre, on constate que les recettes collectées augmentent. Donc c'est pour dire que les mesures que nous prenons au niveau du ministère des Finances, en charge des Finances, et au niveau de l'OBR, ces mesures apportent de la plus-value. Donc c'est notamment la mesure de la facturation électronique. On constate que la collecte de la TVA s'améliore et que la conformité fiscale aussi s'améliore. Mais il y a encore des commerçants qui ne veulent pas respecter cette mesure de la facture électronique, qui continuent à minorer les prix sur la facture pour déclarer moins de taxes. Ce sont ces actes-là contre lesquels on va continuer à lutter. Donc actuellement, la mesure extrême qui est prise et qui est pratiquée, c'est de saisir et confisquer toutes les marchandises qui seront attrapées dans une situation de fraude. Confisquées et vendues aux enchères, et le produit de la vente va être versé au trésor. La deuxième mesure, c'est sanctionner de façon exemplaire, que ce soit les fraudeurs eux-mêmes ou les employés de l'OBR qui seront coupables de complicité de ces fraudes. Le ministre en charge des Finances, Audace Niyonzima. Certaines vendeuses de maïs cuit et grillé en province de Cibitoke se plaignent de la mesure interdisant cette activité telle qu'elle a été prise en date du 17 octobre 2023 par l'autorité provinciale. Elles disent que cela les entraîne dans la pauvreté. Celles qui se sont entretenues avec la radio Isanganiro demandent aux autorités compétentes de lever cette mesure. On a interdit l'exercice de notre métier. Aujourd'hui, nous sommes affamés. Nos enfants ont été renvoyés de l'école à cause du manque de frais de scolarité. Nous n'avons pas de champs pour cultiver et nous vivons dans des maisons de location. Nous n'avons aucun autre soutien et notre seule activité génératrice de revenus était celle-ci. J'ai une charge de 6 enfants, dont 2 orphelins. Deux d'entre eux sont aujourd'hui à la maison par manque de frais de scolarité. Je loue une maison de 25 000 seule. Sans mari, je ne vois pas comment je vais vivre avec ces 6 enfants. J'ai mal accueilli cette mesure car je suis la seule à travailler à la maison. Mon mari est actuellement en prison. Ce commerce faisait vivre ma famille. Aujourd'hui, mes enfants ont faim. Autre chose, je risque d'être expulsée de la maison que je loue à cause du manque de moyens. Dans ce cas, je vais me retrouver sans domicile fixe avec des enfants. J'avais un petit capital, mais il faisait vivre mes enfants. Demandons à l'État de nous aider en levant cette mesure. N'ayant pas de moyens pour avoir un gros capital, nous demandons l'assouplissement de la mesure pour pouvoir reprendre notre activité. Nous demandons pardon, qu'on nous laisse, nous qui faisons le commerce du maïs cuit. Ceux qui font le commerce du maïs grillé sont la cause de cette mesure. Nous implorons la clémence, qu'on nous laisse travailler ces 3 mois. Cela nous permettra d'atteindre la période des récoltes et nous aidera à tenir avec les enfants. Nous n'avons plus de clients, le maïs n'est plus écoulé comme avant. Cette situation nous fait de la peine, que l'État essaye de revoir cette mesure, qu'il laisse les vendeurs du maïs cuit et grillé continuer leurs activités. Ils venaient souvent acheter du maïs de 5 000 ou 3 000 francs. Après la vente, ils revenaient s'approvisionner pour les revendre. Cela leur permettait d'avoir une ration pour les enfants, mais aussi d'augmenter leur capital. Des vendeuses de maïs cuit et grillé en province de Cibitoke, dont les propos ont été recueillis par Jackson Wahati. Et le gouverneur de cette province de Cibitoke, Karim Bizoza, explique que cette interdiction de la commercialisation du maïs cuit et grillé a été motivée par les cas de vol de maïs observés dans les champs. Il appelle ces vendeuses à se reconvertir dans d'autres activités. Nous avons pris cette mesure après la réunion de sécurité où nous avons constaté qu'il y a beaucoup de plaintes sur le vol du maïs dans les champs. Les voleurs vendent leur butin aux personnes qui font le commerce du maïs cuit et grillé dans les endroits comme les cabarets, en bordure des rues. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de veiller leurs champs de maïs toute la nuit. Sur ce, nous avons pris la décision d'interdire le commerce du maïs grillé ou cuit. Qu'ils aillent vendre le maïs au marché. Si c'est du maïs volé, il sera attrapé. L'avantage est que désormais, ce vol va s'arrêter. Les cultures auront le temps d'arriver à maturité et les propriétaires pourront jouir du fruit de leur sueur. Concernant ceux qui disent que le maïs n'est pas acheté une fois au marché, cela n'est pas vrai. C'est l'un des prétextes de ces voleurs, que tous ceux qui faisaient le commerce du maïs grillé et cuit, c'est cette activité qu'ils aillent en cultiver eux-mêmes et qu'ils arrêtent d'acheter du maïs volé, car cela entraîne un manque à gagner pour les cultivateurs. Le gouverneur de la province Cibitoke, Karim Bizoza, toujours au micro de Jackson Bahati et traduit par Alain Désiré Boukayenet. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Lutter contre les discours de haine, améliorer les relations entre les autorités et les journalistes sont certains résultats atteints par le projet Média pour le dialogue. Exécuté durant les quatre dernières années dans trois pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Lors de la clôture de ce projet ce mardi, le chef de mission de l'ONG, la Benevolentia, qui l'a appuyé, a indiqué que la pandémie de la COVID-19 a été un grand défi pour accomplir convenablement sa mission. Quant à la présidente du Conseil national de la communication, elle a exhorté les responsables des médias en ligne d'éviter de publier de fausses informations. Jean-Marie Vianney Ndakoumana. Renforcer les relations entre les autorités et les journalistes ainsi que la cohésion sociale entre le Burundi et le Rwanda sont certaines des réalisations du projet Média pour le dialogue. Claude Nkurunziza, directeur de la radio Lema FM, l'une des radios qui ont participé dans ce projet. Je trouve que c'est un beau pas pour le Burundi. Concernant le dialogue, concernant la communication qui devrait exister au niveau de la région, le plus important est que les intérêts communs ou les ressources communes soient exploitées parce que c'est un atout pour les régions qui peut occasionner une cohésion au niveau communautaire. Nestor Nkurunziza, chef de mission d'ONG La Benevolentia, qui a appuyé ce projet, indique que cette activité a contribué à lutter contre les messages de haine. Il ajoute que La Benevolentia compte organiser des formations aux jeunes journalistes, sur tous ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux. On travaille beaucoup plus sur les réseaux sociaux. De faire essentiellement des formations parce que c'est aussi longtemps que les contenus sont parfois animés, donc écrits, élaborés et diffusés par des jeunes, non, en fait, qui n'ont pas été formés. Mais parfois, tout ce qu'on a, c'est de la désinformation, de la rumeur. Et donc, on nous demande de travailler là-dessus et nous comptons vraiment y travailler. Autre chose qu'on a proposé, c'est d'étendre un peu le partenariat. Dans le but d'appuyer les médias burundais qui participent dans différents projets, Vestine Nahimana, président du Conseil national de la communication, fait savoir que le CNC compte améliorer les plateformes numériques. Toutefois, elle exhorte les médias en ligne d'éviter de propager les rumeurs. Nous sommes en train de négocier avec les plateformes du numérique pour que quand même ils puissent nous aider à ne pas développer beaucoup plus le commerce que le social. C'est vrai que c'est pas facile parce que c'est traité au niveau international. Il faut que nos médias, il faut que nos fils et filles, il faut que nos garçons abandonnent cette affaire de scoop, cette affaire de Vivumbuzi, cette affaire de quoi que l'on veut et pensez d'abord, avant de propager une information, que ce soit fake ou réelle, qu'est-ce que ça va amener comme la plus-value à la nation burundaise. Le projet Média pour le dialogue de la Benevolentia s'est déroulé dans trois pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, pendant une période de 4 ans. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana et le chef de colline Moussegni en commune Manda de la province Bubanza est dans les mains de la justice depuis la semaine passée. Ndahaboneye Gervais est accusé d'avoir signé un contrat de vente d'une propriété foncière en l'absence du propriétaire. Ce dernier a saisi la justice par après et cet administratif a été arrêté. Nadine Nivitang, administrateur de la commune de Manda, demande à la justice de sanctionner conformément à la loi son chef collinaire si sa culpabilité est prouvée. Spes Caritas Kavanyana. Le chef de colline Moussaigny a été arrêté au début de la semaine passée et détenu au cachot de police de la commune Manda. C'est après quelques deux jours qu'il a été transféré au cachot du commissariat provincial où il est détenu jusqu'à aujourd'hui, selon les témoins sur place à Moussaigny. Dahabongé Gervé, chef de colline Moussaigny, est accusé d'avoir signé sur un contrat de vente d'un terrain vendu dans l'irrégularité. Le propriétaire n'en a pas été informé, selon les témoins sur place à Manda. Quand le propriétaire en a été au courant, il a saisi la justice et le chef de colline qui a avalisé cette vente a été arrêté. L'administrateur de la commune Manda demande à la justice de mener des enquêtes profondes afin de prouver la culpabilité de cet élu collinaire et devra être sanctionné conformément à la loi. Et ce n'est pas la première fois qu'il commet de telles fautes selon Nadine Nivitanga, administrateur de la commune Manda. Il lance un appel aux autres administratifs d'être attentif et de s'informer avant de signer un document quelconque afin d'éviter de tomber dans les pièges des voleurs ou d'autres malfaiteurs. Spécialitas Kawanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. La commission Vérité et Réconciliation n'a pas de côté penchant quand elle présente son rapport d'étape chaque année, comme le prétendent certains. Propos de la commissaire Léa Pascazine Zigamasabo, secrétaire et porte-parole de la dite commission. Elle explique que les rapports présentés par la CVR contiennent des vérités restées longtemps cachées, ce qui pourrait ne pas plaire à quelques-uns. Sinon, pour elle, la commission devrait rassurer l'opinion car elle est inclusive sur toutes les composantes. Francine Ndiokougaï. On ne travaille pas pour une ethnie, on travaille pour les Burundais. Lorsque vous êtes la secrétaire et porte-parole de la commission en vérité et réconciliation explique que plusieurs raisons sont à l'origine des perceptions divergentes au sein de la population lorsque la CVR présente son rapport. Commissaire Léa Pascazine Zigamasabo parle par exemple des réactions qui surgissent après que des vérités soient mises à jour. Par exemple, chez vous, ton père peut avoir dit, voilà, en ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est ceci, ceci, ceci. L'autre, dans sa famille, on peut lui avoir dit cela, l'autre, comme ça, comme ça. Nous détenons des vérités diversifiées. Et lorsque l'on vient pour contredire ce que vous détenez, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas toujours facile de sortir de son confort et accepter ce qui est donné par l'autre. Les présumés auteurs ne peuvent pas non plus accepter le contenu des rapports selon la secrétaire de la CVR. Des présumés auteurs qui ne voudraient pas que les choses qui ont été commises soient connues. Vous comprenez très bien que de telles personnes ne peuvent pas accepter aisément ce qui est dit. Le groupe de personnes que j'appellerais des fanas, parce que je suis de telle ethnie, tu es Hutu, tu es Tutsi, tu es toi. Tu ne voudrais pas que telle ethnie soit pointée du doigt. Et lorsque la vérité qui sort vient contre toi, vient contre telle ethnie, voyez, il y a des personnes qui ne voudraient pas entacher l'honneur de telle ou telle autre ethnie. Le quatrième groupe de personnes qui peuvent peut-être contredire ce qui a été dit par la CVR, ce sont des personnes qui exploitent à bon escient le produit de la CVR, mais pour leurs propres intérêts. Qui se sentent à l'aise lorsque tout va mal. Léa Pascazine Zigamasabo rassure l'opinion que le produit de la CVR résulte d'une concertation de tous. Ce que la CVR produit, c'est un rapport qui est d'abord concerté. C'est une réalité de terrain qui est exploitée ensemble et on en discute. Est-ce que nous produisons? Nous sommes d'accord tous. On ne travaille pas pour une ethnie, on travaille pour les Burundais. Lorsque vous êtes nommé dans tel ou tel autre poste, vous allez travailler pour le pays. Si vous vous dites que vous allez travailler pour votre ethnie, vous allez déjà échouer. Et nous sommes conscients que ce qui a frappé le pays, ça a été orienté sur des bases ethniques. Alors, si vous avez bien analysé les rapports que nous avons déjà produits, donnés cette année même, nous parlions de ce qui s'est passé à partir de 1885 jusqu'à 1973. Lorsque nous travaillons et que nous découvrons que dans telle province, par exemple, dans telle région, ce sont des Hutus qui sont morts, nous parlons des Hutus ont été tués. Lorsque nous trouvons que ce sont des Tutsis qui sont morts, nous trouvons que des Tutsis ont été tués, ce sont des Batois, nous disons des Batois ont été tués. La porte-parole de la Commission Vérité et Réconciliation invite tous les Burundais à comprendre que la vérité que la Commission est en train de chercher est au service de la réconciliation nationale. Francine Ndihokubgayo. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.